Mes bien chers copains et copines, c'est avec une joie intérieure immense que je vous annonce la résurrection de la messe à gogo. Alléluia, allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia, alléluia. Intègre-toi à ta communauté, allons, ne te fais pas prier. Va-t-il falloir aller te chercher, allez, entre dans l'assemblée. Pas la coquette, montre-nous le fruit de tes emplettes. Ce chapeau, waouh, quel manteau, ces beaux souliers dépareillés. Tu es mon héberger, tu es mon héberger, tu es mon héberger, tu es mon héberger. Je t'accueille au fond de moi, tous les jours c'est la joie. Tu es mon héberger, tu es mon héberger, tu es mon héberger, tu es mon héberger. Attention les amis, voici venu le moment du sermon, mais rassurez-vous, il sera court et bref. Mes bien chers copains et copines, méfiez tous de la tentation du malin. Ding ding dong, fais un don. Ding ding dong, fais un don. C'est pour payer les cloches, réparer ce toit si moche. Ding ding dong, fais un don. Ding ding dong, fais un don. Je veux communier avec la nature, je veux communier avec du pain dur, je veux me fouetter, je me flageller, je veux expier tous mes péchés. Je veux communier, communier, communier, communier. Eh bien, mes chers copains et copines, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à sortir, c'est terminé. Allez, oust! Je dois encore visiter 5 paroisses aujourd'hui.